إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence le cours 88 aujourd'hui dans la lecture du livre Al-Kaba'ir du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé à un nouveau chapitre aujourd'hui qui s'intitule Babul Jawr wa Dhulm wa Khatar al-Wilaya. Babul Jawr wa Dhulmi wa Khatar al-Wilaya. C'est-à-dire le chapitre au sujet de l'injustice et... Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, les deux mots, al-jawr et al-dhulm, c'est des synonymes. Hein? Les deux signifient l'injustice. Parce que al-jawr, c'est l'injustice, et al-dhulm, c'est l'injustice. Donc, al-jawr wa al-dhulm, c'est en fait l'injustice. Wa khatar al-wilaya, c'est-à-dire le danger de la gouvernance ou de la position ou du poste de gouvernance, c'est hein, quelque chose de très dangereux. Pour quelle raison? Parce que c'est possible que on soit par exemple responsable ou qu'on fasse une injustice à des gens. Donc à cause de ça, on sera puni au jour de la résurrection à cause de l'injustice qu'on a fait lorsqu'on était dans un poste de dirigeance ou de gouvernance. Et donc c'est pour dire que ce genre de responsabilité là, c'est très dangereux. Le musulman, comme on l'a dit dans les cours précédents, le musulman il s'enfuit de ça, c'est-à-dire il fuit des postes et des fonctions de responsabilité et de gouvernance à cause du grand danger qu'il y a là-dedans, du fait que la personne en question qui est dans ce poste, elle aura des comptes à rendre devant Allah, tu vois, au jour de la résurrection. Déjà quand on a des comptes à rendre dans cette vie d'ici-bas, c'est difficile. Imagine avoir des comptes à rendre sur ça au jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça c'est beaucoup plus dangereux encore. Hein, donc les gens ils arrivent parfois à s'enfuir ou à s'échapper du jugement des hommes. Peut-être que des gens font de l'injustice ou ils font des crimes et ils ne sont pas punis dans cette vie. Des fois ça arrive qu'ils s'échappent hein, du système de justice et qu'on ne les attrape pas dans l'injustice qu'ils font ou dans le mal qu'ils font dans cette vie d'ici-bas. Mais ils ne pourront pas s'enfuir du jugement d'Allah au jour de la résurrection. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Et le cheikh il explique ici, il dit أخرج الحاكم وصححه ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلم يعدل فيهم إلا كبه الله في النار. ولهما عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Donc le cheikh il dit qu'il est rapporté par l'imam al-Hakim dans son livre de hadith al-Mustadrak, et il l'a mentionné comme étant authentique. Il a dit qu'il n'y a personne qui yani prend une des choses dans lesquelles il y a une responsabilité sur la Ummah et qui n'est pas juste dans son application de ses fonctions, excepté que Allah va le jeter dans l'enfer, dans le feu de l'enfer. Donc, si la personne qui a une responsabilité dans cette umma, il ne la prend pas comme il faut, et il n'est pas juste avec les gens, il va être puni par Allah subhanahu wa ta'ala, et il va être puni dans l'enfer. L'autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ittaqi da'wat al-mazloum, fa'innahu laysa baynaha wa bayna Allahi hijab » C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Mu'adh « Crains Allah hein? » plutôt, il lui dit « Prends garde ou préserve-toi de l'invocation de l'injuste. » L'invocation de l'injuste, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de voile entre l'invocation de l'opprimé et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est-à-dire que son invocation, elle est directe. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il l'exauce hein? directement. Tandis que la personne, donc, c'est-à-dire, elle doit faire attention de ne pas faire de l'injustice aux gens. Parce qu'il n'y a pas de voile entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est même pour le kafir. C'est-à-dire, même le non-musulman, si un musulman lui fait de l'injustice, et c'est parce que le contexte, c'est ça. Dans le hadith, Mu'adh, il a été envoyé au Yémen, aux gens du livre. Et il leur a dit, hein, fais attention à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Donc, il faut vraiment faire attention. On va lire maintenant l'explication de ces hadiths. Donc, le cheikh, il dit, le cheikh Al-Fawzan, hafizahullahu ta'ala, il dit, « Min al-afat allati ta'taridu al-wulat wal-muwazzafin wal-mas'ulin al-jawr, wa huwa diddu al-adl, wal-zulmu huwa diddu al-shay, والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه والظلم يكون للناس في أموالهم ويكون في دمائهم وأعراضهم فالغيبة والنميمة والسب ظلم في الأعراض والظلم يكون في القتل بغير حق وهدف الدماء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهدف الدماء ويكون في أخذ أموال الناس بالباطل وهدف الأموال والحقوق وولي الأمر مسؤول عن منع هذا كله منه ومن غيره فإنه يوم القيامة لا بد من أن تؤدى الحقوق إلى أصحابها وهناك ليس إلا الجنة والنار فالولاية شأنها عظيم وخطرها جسيم وهي مسؤولية وجاء في الحديث أن الإنسان إذا سألها وكل إليها ولم يعن عليها وإن ابتلي بها من غير مسألة أعين عليها. Donc le cheikh il dit, parmi les malheurs et les choses mauvaises qui peuvent auxquelles peuvent faire face ou bien auxquelles peuvent être c'est-à-dire les choses mauvaises que certains responsables ou dirigeants ou certains employés de l'État, parfois des responsables, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est de l'injustice. Ils peuvent être susceptibles de faire ce genre de choses, c'est-à-dire de l'injustice. Et l'injustice, c'est quoi? En arabe, on dit al-zulm. Zulmun. Hein? Al-zulm, c'est l'injustice. Et on dit que c'est le contraire de al-adl. Al-adl, c'est la justice en arabe. Donc, al-adl ou al-zulm. Et on dit donc que le zulm, c'est le contraire de al-adl. Comme l'injustice, c'est le contraire de la justice. Mais il explique que l'injustice, c'est quoi? C'est de mettre quelque chose autre que là où elle va, c'est-à-dire mettre chose à autre que à sa place. D'accord? Wad'u shay fi ghayri mawdi'ihi. C'est-à-dire, tu mets une chose ailleurs qu'à sa place. Donc, ça, c'est une des définitions ou une des explications de ce sens. Mais, bien entendu, c'est chaque chose selon son contexte. Chaque chose selon son contexte. Donc, par exemple, de l'injustice, le cheikh il va donner des exemples. Il dit l'injustice, ça peut être dans l'argent. Par exemple, quelqu'un, il a fait un travail, tu lui donnes pas son salaire. Ça, c'est de l'injustice. Hein? Et il dit donc, ça peut aussi être dans la vie, le sang ou l'honneur. Hein? Ça aussi, ça peut être de l'injustice. Il peut y avoir de l'injustice là-dedans. Le fait de faire de la médisance et de parler dans le dos et de dire des insultes, ça aussi c'est de l'injustice. C'est de l'injustice dans l'honneur, parce que tu insultes les gens, tu parles contre eux dans leur dos, tu fais de la médisance sur eux, ça c'est, hein, c'est par rapport à l'honneur. De même que al-dhulm, ça peut aussi être par rapport au meurtre ou de tuer quelqu'un injustement. Ça c'est des formes d'injustice qui ont un lien avec le sang. Et ça peut être aussi le fait de prendre les biens des gens de façon injuste. Tu leur enlèves leurs biens injustement. Ça, c'est de l'injustice. Donc, ça, c'est tout ce qui est relié au bien et aux droits des autres. Le cheikh, il dit que le dirigeant ou le responsable, ben, il sera questionné au jour de la résurrection et Allah va lui demander des comptes sur tout cela, hein, toute injustice qu'il a fait. S'il fait de l'injustice, Allah va lui demander des comptes. Donc, au jour de la résurrection, les droits des gens doivent être rendus. Si on les a privés ou on les a brimés dans leurs droits, ces droits-là doivent être rendu et on doit réparer l'injustice qui a été causée. C'est pour ça que dans l'au-delà, il n'y a rien d'autre que le paradis ou l'enfer. Et donc, la question de la gouvernance et des postes de responsabilité, ça c'est quelque chose de grave et c'est quelque chose de sérieux et c'est très dangereux. Hein? Et c'est une responsabilité, comme on dit. C'est-à-dire qu'on va être questionné là-dessus. Et comme dans le hadith, qu'on a lu dans les cours précédents qui mentionnait que la personne qui le demande, c'est-à-dire qui demande le poste de gouvernance, elle va être abandonnée à elle-même dans ce poste et dans cette tâche si elle le prend parce qu'elle demande ce poste. Toutefois, si on lui donne cette responsabilité sans qu'il l'ait demandé, hein, eh bien dans ce cas-là, il va être support, on va l'aider. Il va être supporté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça. S'il le fait sans l'avoir demandé, il va être aidé. Le cheikh il dit ensuite, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, ma min ahadin يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلم يعدل فيهم إلا كبه الله في النار يعني من تولى من أمور هذه الأمة شيئا قليلا أو كثيرا ثم لم يعدل إلا أدخله الله النار وفي هذا وعيد شديد ويدخل في هذا أصحاب الوظائف المختلفة فإنه لا بد أن يقوم الموظف بمصالح الناس وإنجاز معاملتهم وعدم تأخيرها وأن يتوخى العدل في عمله ولا يحابي أحدا ولا يرتشي. Donc le cheikh il dit que dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit que il y a pas une personne qui prend un poste de responsabilité parmi les gens qui sont responsables des affaires de cette Ummah, mais qui n'est pas juste par la suite avec les gens, excepté que Allah va le jeter en enfer. Et le cheikh il dit, c'est-à-dire que peu importe la chose de la, dans laquelle il est responsable. Peu importe que ce soit quelque chose de grand ou de petit. Hein? Il sera questionné par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, s'il n'est pas juste dans cette responsabilité-là et dans cette tâche qu'il a, eh bien, Allah va le faire rentrer en enfer. Et donc ça, c'est une menace sévère que Allah subhanahu wa ta'ala va faire rentrer les gens qui ont une responsabilité mais qui ne sont pas justes dans cette responsabilité-là en enfer. Et on peut inclure là-dedans les gens qui ont des fonctions publiques, hein, ou des emplois, des postes, un poste quelconque. Et donc il dit que la personne qui est un fonctionnaire, hein, et qui travaille dans son bureau, qui est là pour servir et répondre aux gens, il faut qu'il accomplisse ses tâches et qu'il interagisse avec les gens dans leur intérêt et pour leur bien. Et il ne doit pas retarder son travail, comme si il remet tout les choses à plus tard. Puis le travail qu'il pourrait faire aujourd'hui, il ne le fait pas, il fait attendre les gens dans les choses qu'ils ont besoin. Donc ça, il dit, ça c'est pas correct. Et donc, il doit chercher à être juste dans son travail et dans son emploi. Et il ne doit pas non plus essayer de faire quelque chose pour se faire aimer des gens, ou dans le but d'avoir un pot de vin ou que les gens lui donnent des cadeaux ou des choses comme ça. Hein? Parce que sinon, dans ce cas-là, ça devient du réchois, hein, comme on dit, du pot de vin. Et ça, c'est haram dans l'islam. Et le cheikh, il dit, « Wa qawluhu fi hadith mu'ad, ittaqi da'wat al-mazloum, fa innahu laysa baynaha wa bayna Allahi hijab. » هذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن معلما وقاضيا أوصاه فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإذا هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وهذا محل الشاهد من الحديث فأوصاه صلى الله عليه وسلم بأن يتجنب ظلم الناس لئلا يدعو عليه مظلوم وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم. Donc le cheikh il explique ici que dans le hadith de Mu'ath, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit, fais attention à l'invocation de l'opprimé, parce qu'il n'y a pas de voile entre son invocation et Allah. Et donc il dit, lorsque Mu'ath a été envoyé au Yémen comme enseignant et comme juge, il lui a donné des conseils. Il lui a dit, tu t'en vas vers des gens qui font partie des gens du livre, hein, des juifs et des chrétiens. Donc si tu t'en vas vers eux, la première chose que tu dois les appeler, ou la première chose à laquelle tu dois les appeler, c'est le témoignage de la ilaha illallah. Parce que c'est des gens qui sont des mushrikines, font du shirk, ils ont toutes sortes de formes de shirk. Donc ils doivent comprendre le tawhid. La première chose à laquelle tu dois les appeler, c'est la ilaha illallah. Puis de déclarer que Muhammad est le messager d'Allah. S'ils ont accepté ça, alors là par la suite tu leur apprends qu'ils doivent prier 5 prières obligatoires durant le jour et la nuit, les 5 prières par jour. Puis s'ils acceptent et qu'ils t'obéissent dans les 5 prières par jour, alors enseigne-leur par la suite qu'il y a la zakat qui est obligatoire et qu'elle doit être prise des riches parmi eux pour la donner aux pauvres parmi eux. Et il dit, et prends garde de leurs meilleurs biens, c'est-à-dire leurs biens les plus nobles, tu leur laisses, tu touches pas à leurs meilleurs biens, hein? et prends garde à l'invocation de l'injuste. Pourquoi il dit tu prends garde à leur meilleur bien? C'est-à-dire, prends pas leur meilleur bien dans le sens que le musulman, quand il va prendre la zakat, il prend pas qu'est-ce qu'il y a de meilleur et il prend pas qu'est-ce qu'il y a de mauvais, mais il prend qu'est-ce qui est entre les deux. Le juste milieu, oui. Hein, qu'est-ce qui est moyen, d'accord? Et il leur laisse qu'est-ce qu'ils ont de meilleur. Et il dit, wa alaykum salam wa rahmatullah. Inch'Allah. Donc, il dit ensuite, et craint l'invocation de l'opprimé. Parce que la personne qui est opprimée, quand elle invoque Allah, il n'y aura pas de voile entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, fais attention à de ne pas faire de l'injustice, hein, aux gens. Et c'est ça le but de ce hadith-là, c'est le point important dans ce hadith, c'est cette partie-là. Fais attention à l'invocation de l'opprimé, celui que tu lui as fait de l'injustice, il n'y a pas de voile entre lui et Allah. Et donc, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a incité Mu'adh à faire attention de ne pas être injuste avec les gens. Parce que sinon, les gens vont faire des invocations contre lui. Si tu fais de l'injustice aux gens, les gens vont faire des doigts contre toi. Et cette invocation-là va être acceptée parce que Allah n'aime pas l'injustice. Et il n'y a pas de voile entre cette personne et son invocation et Allah. Quand elle invoque Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah va l'exaucer parce qu'elle est dans la détresse. Hein? L'invocation de la personne qui est opprimée et qui est en détresse, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'exauce plus rapidement. Il l'exauce directement. Donc, si tu fais de l'injustice aux gens, tu vas être frappé, hein, par leur invocation. Et donc, ça comprend toutes les différentes formes d'injustice possibles. Et il dit ensuite le cheikh, ثم قال له محذرا من خطر دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع يردها عن الله فيستجيب لها ولو كان المظلوم كافرا قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن لا تعدلوا وهذا فيه حث على العدل بين الناس فإن الظلم ظلمات ودعوة المظلومين مستجابة حتى وإن كانوا من غير المسلمين كاليهود والنصارى الذين يدفعون الجزية فقد قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Donc le cheikh il dit ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit donc pour les avertir contre le danger de l'invocation de la personne opprimée à qui on a fait de l'injustice, il n'y a pas de voile entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va détourner son invocation ou qui va empêcher son invocation d'être acceptée et d'être exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Même si la personne qui invoque est un non-musulman, un kafir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 8, dans surat al-Ma'idah, et que ta haine pour un peuple ne te pousse pas à ne pas être juste. Donc, il dit, dans ce verset, il y a une incitation à la justice entre les hommes, car l'injustice formera des ténèbres autour de la personne au jour de la résurrection. Et l'invocation de l'opprimé, elle est exaucée. Hein? Même si la personne en question qui est opprimée ne fait pas partie des musulmans comme les juifs ou les chrétiens qui payent la jizya, hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 8 dans surat al-Ma'idah, et que ta haine pour un peuple ne te pousse pas à leur faire autre que de la justice. Sois juste. Cela est plus proche de la piété. Donc ça veut dire que le fait qu'on déteste un peuple pour sa mécréance et son kufr et son shirk et sa bid'a et ses égarements, ça ne justifie pas de leur faire du tort ou de l'injustice. Allah n'aime pas l'injustice. Même quand c'est envers des koufars, même si c'est envers des juifs ou des chrétiens ou des athées ou des hindous ou des bouddhistes ou autres. Hein? L'injustice c'est haram pour tout le monde. Et le cheikh dit فالعدل واجب لا سيما في من ولاه الله أمور المسلمين من الولاة والموظفين والعمال الذين يجب الذين يجبون الزكاة فلا تأخذ أكثر مما يجب ولا تأخذ من جيد الأموال وخيار المال إلا برضا أصحابها ولا تأخذ الردي كذلك بل يأخذ المتوسط فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب أي حاجز يحول دون وصولها إلى الله واستجابته لها. Donc le cheikh il dit que l'obligation pour le musulman donc c'est d'être juste, en particulier yani celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une responsabilité sur les musulmans. Et donc qui est en charge de quelque chose, des affaires des musulmans, que ce soit les dirigeants ou que ce soit un fonctionnaire ou un travailleur ou ceux qui ramassent la zakat, hein, parce que la zakat des bétails, hein, ceux qui ont des bétails, la zakat c'est des gens qui vont aller pour la chercher, hein, donc ils partent, ils vont prendre la zakat. Et le cheikh il dit, comme c'est mentionné dans le hadith, والتقي وإياك أن الحديث الدين وإياك وكرائم أموالهم. C'est-à-dire fais attention de ne pas prendre le meilleur de leurs biens, tu vas pas prendre qu'est-ce qu'ils ont de mieux, hein? Sauf si eux ils sont satisfaits de le donner, dans ce cas-là oui, mais sinon tu vas pas prendre le meilleur de leurs biens, hein? Et tu vas pas prendre le mauvais non plus. Attends, tu vas prendre qu'est-ce qui est au juste milieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et craint l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il n'y a pas de barrière qui empêche cette invocation-là d'arriver à Allah pour que Allah l'exauce. Le sujet du chapitre en question, c'est l'injustice et le danger de la gouvernance. Donc quand quelqu'un il a une responsabilité dans la Ummah, comme les dirigeants, les fonctionnaires, les responsables, ou ceux qui sont des fonctionnaires, hein, ils doivent craindre Allah et ne pas faire de l'injustice aux gens, parce que sinon yani, ils vont avoir des châtiments de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, et on a mentionné le hadith ici qui parle de ça. Oui, oui, c'est ça. Il a dit ça, c'est un cadeau. Oui, oui, oui. Il était parti pour ramasser la zakat. Puis il a dit ça c'est pour vous et ça c'est pour moi, c'est un cadeau que j'ai reçu. Il a dit on m'a donné ça. Et il a dit si tu étais resté dans la maison de tes parents, est-ce que tu allais recevoir des cadeaux de tes parents? C'est ça. En tout cas, dans la maison de sa mère, c'est ses parents. Yani, est-ce que tu allais recevoir quelque chose? Alors le prophète s'en était fâché, il lui a dit ça. C'est pour dire que yani, c'est pas bien d'accepter des cadeaux lorsque tu remplis tes fonctions en tant que travailleur ou en tant qu'employé pour l'État. Ou un poste de dirigeance ou un poste de juge et qu'on te donne des cadeaux, ça c'est pas bon. Oui, oui, parce qu'il vient comme un émissaire, c'est comme s'il est un représentant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il vient pour ramasser la zakat, donc il travaille pour le gouvernement, pour le dirigeant, donc il peut pas commencer à accepter des cadeaux comme ça, hein. Et ensuite, le cheikh il mentionne d'autres hadiths encore. sur ce sujet. Il dit wali muslimin an adi ibn umayrah marfu'an radiyallahu anhu marfu'an man istamalnahu ala amalin fakatama minhu makhitan fama fawqahu kana ghalulan ya'ti bihi yawm al-qiyamah. Wali ahmad an abi hurayra radiyallahu anhu marfu'an waylun lil umara waylun lil urafa waylun lil umana yata'ammani ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء. Donc le cheikh il explique le premier hadith, ça dit celui c'est rapporté selon Adi ibn Umayra radiyallahu anhu marfu'an par l'imam muslim. Il dit celui qu'on a pris comme employé pour remplir un travail et qu'il nous a caché quelque chose, même si c'est un fil ou plus, alors dans ce cas là c'est comme s'il a volé du butin et il va le ramener au jour de la résurrection. Et l'autre hadith, yani on va laisser l'explication de l'autre hadith lorsqu'on va arriver à le Cheikh Al-Fawzan quand il va l'expliquer, parce qu'il y a des termes dedans qui sont un peu plus compliqués, donc on va lire le charh en même temps puis on va l'expliquer au fur et à mesure. Le premier hadith, le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit al-makhit al-ibra, yani c'est al-makhit, c'est l'aiguille ou bien l'aiguille qu'on utilise avec le fil pour coudre. Yani. Donc il dit, celui qu'on a employé comme employé, puis qui nous a caché quelque chose, une aiguille ou un fil ou quelque chose comme, ou plus, il va le ramener au jour de la résurrection, comme un butin qu'il a volé. Et le cheikh il dit que ça, c'est, il dit, وَفِي هَذَا تَعْظِيمُ الْقَلِيلُ مِنَ الْغَلُولُ. Même si c'est une petite chose, tu vas avoir à le ramener au jour de la résurrection. وهذا وعيد شديد. On a vu le hadith qu'on avait lu dans le chapitre précédent au sujet de Al-Ghaloul, et que ça disait que la personne, on va lui demander d'aller chercher l'aman, on va le jeter dans l'enfer, et il va plonger dans le feu pour aller le chercher, puis il va le mettre sur son épaule, puis quand il va monter pour le ramener, il va glisser, il tombe encore, il va retourner aller le chercher de façon perpétuelle comme ça. Et ça, c'est un châtiment pour lui, que chaque fois qu'il essaie de le ramener, il n'arrive pas. Hein? On avait lu ça dans les hadiths précédents. Et ici, le cheikh dit donc, même si c'est quelque chose de petit, on va te demander de le ramener. Il dit وَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ وَزَجْرٌ أَكِيدٌ عَنِ الْخِيَانَةِ مِنَ الْعَامِلِ فِي أَخْذِ شَيْءٍ مِمَّا وُلِيَ عَلَيْهِ وَأَنَّهَا مِنَ الْكَبَائِرِ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْجُبَاهِ وَهُمُ الصُّعَاهِ الذين يقبضون الزكاة من الناس أن لا يأخذوا شيئا من الناس كالرشوة التي تدفع للعمال باسم الهدية. Donc ça que tu demandais justement, et bien c'est exactement ça. Le cheikh il dit que tu dois faire attention, parce que c'est très grave de prendre quelque chose du butin. Et il dit, il y a une menace très sévère à ce sujet-là, et c'est une forme de trahison de la part de l'employé qui agit de cette façon, qui prend quelque chose de la responsabilité qu'on lui a donnée. Ça fait partie des grands péchés, et c'est obligatoire donc à ceux qui sont envoyés pour récolter ou ramasser la zakat, et puis ils en prennent une partie des gens comme pot de vin, ou bien ils prennent des cadeaux qu'on leur donne, comme beau de vin, ça aussi, ça c'est pas permis. Il dit, لهذا قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. On a dit, le cadeau qui est donné aux employés de l'État, c'est une forme de, comme quelqu'un qui aurait volé le butin. Et il dit, وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على الزكاة فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه ما بال العامل نبعثه فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أي يهدى إليه. وفي هذا تحذير للعمال أن يأخذوا شيئا من هذه الأموال، وفيه تحريض لهم على الأمانة وتحذيرهم من الخيانة ولو في شيء قليل، وهذا يتناول كل المسؤولين عن أموال الدولة. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon, c'est le hadith que tu mentionnais justement, hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a employé quelqu'un pour aller ramasser la zakat. Quand il est revenu, il a dit ceci est à vous et ceci, ça c'est un cadeau qu'on m'a fait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après avoir glorifié Allah et fait son éloge, après il a dit qu'est-ce que certains employés ont qu'on a envoyé, qu'est-ce qu'ils ont à venir, puis ils disent ceci est à vous et ceci on m'a donné en cadeau. Il a dit s'il était resté dans la maison de son père ou dans la maison de sa mère, est-ce qu'il aurait reçu un cadeau, est-ce qu'on lui aurait donné quelque chose? Alors il dit que ça c'était pour avertir les employés de ne pas rien prendre de ces biens-là, et un avertissement et une incitation à l'honnêteté et à l'avertissement contre la trahison, de prendre quoi que ce soit de petit ou de grand, il y en a peu importe, dans les biens de l'État. Que ça c'était quelque chose qui touchait tous les responsables des biens de l'État. Donc ça c'est une amana. Et le cheikh dit wa amma qawluhu sallallahu alayhi wa sallam waylun lil umara waylun lil urafa waylun lil umana, yani waylun عذاب كلمة عذاب ووعيد وقيل واد في جهنم يعني ويل لهم إذا لم يعدلوا العرفاء المقدمون في القبائل الذين يعرفون بقبائلهم والأمناء هم الذين يؤتمنون على أموال بيت المال أو أموال الناس فإذا أخذوا من هذه الأموال شيئا أو ضيعوها فإنهم متوعدون بالعذاب الشديد يوم القيامة. Donc le cheikh il dit que dans le hadith ensuite, quand il dit malheur aux responsables, aux dirigeants, aux gouverneurs, malheur aux représentants, et malheur aux comment on pourrait dire, l'umana, ceux à qui on fait confiance pour garder l'argent des gens. Dans le sens, malheur à eux s'ils ne sont pas, malheur à eux s'ils ne sont pas justes. S'ils ne sont pas justes. Et waylun, en arabe, c'est souvent traduit en français par malheur, hein, malheur. Mais en réalité, c'est une parole qui est employée pour désigner une menace ou un châtiment. Et certains ont dit que Al-Wail, c'est une vallée dans l'enfer. Wailun. Donc une vallée dans l'enfer. Donc c'est comme une menace de l'enfer, en fait. Et donc, quand tu dis Wailun lahum, ici dans ce contexte, c'est malheur à eux s'ils ne sont pas justes, s'ils font de l'injustice. Donc il explique que العرفاء c'est المقدمون في القبائل الذين يعرفون بقبائلهم. Donc c'est eux qui représentent leur tribu et qui font connaître leur tribu aux autres, qui sont au devant de la tribu. Donc malheur à eux s'ils ne sont pas justes. الأمناء c'est ceux à qui on fait confiance comme des gardiens, des responsables qui sont là pour préserver l'argent dans le trésor de l'État ou bien dans les biens des gens. Lorsqu'ils prennent quelque chose de cet argent-là ou bien qu'ils la perdent, ils sont menacés d'un châtiment sévère au jour de la résurrection. Il dit le cheikh ensuite ثم أخبر عن الولاة إنهم يتمنون يوم القيامة لو علقوا من شعرهم بالثريا يعني بين السماء والأرض يتذبذبون وأنهم لم يلوا هذا العمل أنهم لم يلوا هذا العمل ولم تحصل لهم هذه العزة والرياسة والرفعة على الناس في الدنيا وذلك أن التعليق بالناصية مثل للمذلة والهوان، وهذا فيه الوعيد الشديد لمن تولى الإمارة أو العرافة أو الأمانة ولم يقم بحقها، وفيه الحث على أن يتقي الله في مسؤوليته ولا يتخذها مغنما ينتهز بها الفرصة فيأخذ غير مرتبه. فالولاية ليست مغنما ينتهز المسؤول، وإنما هي أمانة ومسؤولية يسأل عنها يوم القيامة ويعذب على تفريطه وإهماله فيها وما أخذه بسببها. Donc le cheikh il explique que ensuite dans le hadith ça dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il informe ensuite que les responsables au jour de la résurrection ils vont souhaiter qu'ils n'auraient pas eu ces responsabilités là c'est-à-dire ils vont regretter d'avoir été responsables s'ils ont fait de l'injustice, et ils vont être accrochés par leurs cheveux entre les cieux et la terre, et ils vont se balancer entre les deux, et ils vont donc souhaiter qu'ils n'avaient pas fait ce travail là et qu'ils n'auraient pas obtenu cette puissance ou cette autorité ou cette élévation sur les autres dans cette vie d'ici-bas. Et donc le fait qu'ils soient accrochés par le toupet au jour de la résurrection, c'est comme un exemple d'humiliation et de rabaissement, il y en a pour eux, et une menace sévère pour quiconque aurait une position de gouvernance ou de responsabilité ou de confiance et qui n'aurait pas donné à ce poste ou cette fonction son droit. Et il y a dedans également l'incitation pour le responsable de craindre Allah dans sa responsabilité et de la prendre, de pas la prendre comme un butin pour lui. Il profite de cette fonction-là pour s'enrichir, se remplir les poches, parce que c'est une amane, c'est un gage, un dépôt. Donc il doit être honnête là-dedans, parce qu'il va être questionné à ce sujet au jour de la résurrection. Et s'il a été négligent, s'il a été il a eu des manquements là-dedans, il va être questionné, il va être châtié pour ce qu'il a pris à cause de ça. Donc c'est ce qui conclut ce chapitre. Le chapitre suivant, c'est le chapitre Babun walayatu man la yuhsin al-adl. Bab walayatu man la yuhsin al-adl, c'est-à-dire le chapitre au sujet de la gouvernance de celui qui ne sait pas comment être juste. Il n'arrive pas à être juste avec les gens. Donc qu'est-ce qui arrive à cette personne? On va lire ça, on va lire les hadiths à ce sujet. Le cheikh il dit wa an Abi Dharr radiyallahu anhu marfu'an يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم رواه مسلم ولأبي داود عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا القضاة ثلاثة واحدة في الجنة واثنان في النار واحد في الجنة واثنان في النار أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على الجهل أو على جهل فهو في النار وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من أفتى فتيا بغير علم من أفتى فتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه، كان إثم ذلك على الذي أفتاه. Ça veut dire tous ces trois hadiths. Le premier hadith, on l'a déjà vu dans les chapitres précédents. C'est le hadith de Abi Dharr qui était venu pour demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui donner un poste de responsabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Oh Abu Dharr, je te vois faible et j'aime pour toi ce que j'aime pour moi-même. Et ne sois pas amir, hein, ne sois pas celui qui est responsable sur deux personnes, et ne sois pas non plus celui qui est responsable pour les biens d'un orphelin. Hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu en lui une certaine faiblesse, et donc il l'a conseillé de s'éloigner de ce genre de situation ou de ce genre de position. Et ça, c'est pour son bien. Parce qu'il dit: j'aime pour toi ce que j'aime pour moi-même. Et ensuite, le deuxième hadith, c'est le hadith de Buraïda, radiyallahu anhu, rapporté par Abu Daoud. Il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il y a trois sortes de juges. Il y a trois juges, trois sortes de juges. Il y en a un de ces trois qui est dans le paradis, et les deux autres sont en enfer. Celui qui est au paradis, c'est celui qui a connu la vérité et qui a jugé par celle-ci. Il a connu la vérité, il a jugé par la vérité. Le deuxième, c'est l'homme, il connaît la vérité, mais il est injuste dans son jugement. Donc il connaît la vérité, mais il n'applique pas dans son jugement. Alors il est dans l'enfer. Et le troisième, c'est un homme qui a jugé entre les gens par ignorance. Et donc il sera en enfer. D'accord? Donc le premier, c'est celui qui a jugé avec science et avec justice. Il a appliqué cette science. Le deuxième, c'est celui qui a jugé. Hein, il connaît la vérité, mais il ne l'applique pas. Il fait de l'injustice dans son jugement, il est dans l'enfer. Et le troisième, c'est celui qui n'a pas de science, il juge par ignorance, alors lui aussi il est dans l'enfer. Et le troisième hadith, c'est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu, dans le Sunan de Abu Daoud aussi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui donne une fatwa, c'est-à-dire il donne un verdict religieux, sans science, eh bien le péché de cela va revenir à celui qui lui a posé la question sur ce verdict religieux. Donc c'est-à-dire que des fois les gens ils posent des questions à des gens qui n'ont pas de science, et c'est eux qui sont responsables du péché de ces gens-là, puisqu'ils les ont ramenés à tomber dans le péché en leur posant la question, alors qu'ils savent déjà que ce ne sont pas des gens qui ont du savoir dans la religion. Donc pourquoi tu lui poses la question si tu sais qu'il n'est pas un savant? Donc ça c'est important. Et le cheikh il dit: wa Abu Dharr رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن الزهاد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك ضعيفا وضعفه هنا ليس في دينه ولا في أمانته، وإنما في تحمل أعباء الولاية ومواجهة المشكلات. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب لك ما أحب لنفسي. وهذا القول يدل على أن من تولى شيئا يجب أن يكون ناصحا في ولايته. ثم قال له: لا تأمرن على اثنين، فكيف بالإمارة على جماعة أو دولة؟ ولا تولين مال يتيم، لأن مال اليتيم يجب حفظه، فالواجب أن يتولى عليه من هو أهل لحمايته وله القدرة على تنميته. Donc le cheikh il dit que Abu Dharr radiallahu anhu, c'est un des premiers parmi les premiers musulmans. Et il est un des pieux adorateurs, hein, qui faisait des efforts dans l'adoration et qui se détachait de la dunya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Dharr, je te vois faible. Et sa faiblesse ici, c'est pas une faiblesse dans la religion ou une faiblesse dans son honnêteté, mais c'est plutôt une faiblesse dans la charge de porter les charges et les responsabilités de la dirigeance et de la gouvernance, et aussi une faiblesse dans la façon d'affronter les problèmes et les conflits. Et donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, j'aime pour toi ce que j'aime pour moi-même. Et donc ici c'est le fait que c'est une preuve que celui qui prend quelque chose de la responsabilité des affaires des musulmans, il faut qu'il soit sincère dans cette responsabilité-là. Puis il lui dit, ne sois pas responsable sur deux personnes, ne sois pas l'amir de deux personnes. Par exemple, dans le voyage, si tu voyages avec deux personnes, il faut choisir un amir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, sois pas l'amir pour deux personnes. Et il lui dit, si c'est le cas pour deux personnes, qu'il ne doit pas être amir, alors que dire de celui qui, subhanallah, va être amir pour un pays au complet, ou pour une jama'a, un groupe de personnes. Il dit, et ne sois pas responsable de l'argent d'un orphelin aussi. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui est responsable de son bien. On va dire qu'il y a un jeune, un enfant, son père et sa mère sont morts, il est encore petit, et lui, il a un héritage très grand. Et là, toi, tu es son responsable de ce jeune. Et que toi, tu dois t'occuper de sa richesse jusqu'à temps qu'il atteigne l'âge de maturité ou l'âge de l'âge majeur. Donc, si tu n'es pas une personne qui est forte ou qui est ferme, comment tu vas être capable de bien préserver cette richesse et de ne pas y toucher, de ne pas l'utiliser? Peut-être que par faiblesse, tu vas te laisser tenté par ce bien-là, et puis tu risques d'en prendre et tu accumules des péchés. Parce que celui qui mange le bien de l'orphelin injustement, c'est comme s'il mangeait du feu dans son ventre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ceux qui consomment injustement les biens de l'orphelin, ils ne font que avaler du feu de l'enfer. Et Abu Dharr radiyallahu anhu, il dit, kana mushtaghilan bi umur al-ibadati wa at-ta'ati wa az-zuhdi wa lam yakun muhtamman bi umur ad-dunya fa ma ahabba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an yuwallihahu li'annahu arafa annahu sayajizu 'an al-qiyam bil muhimma wa qad dalla. Eh ma sha Allah, ne t'entends Bilal. Ma sha Allah. وقد دل على هذا على أنه لا يكفي في الوالي أن يكون ذا ديانة فقط بل لا بد أن يكون قويا في القيام بالمهام وبالمهام الموكولة إليه بالمهام الموكولة إليه. Donc le cheikh il dit ici que Abu Dharr رضي الله عنه c'était une personne qui se préoccupait que des choses de la religion, de l'adoration, de l'obéissance. Et il se détachait de la dunya. Ça lui occupait. Les choses de la dunya ne l'intéressaient pas. Il ne se préoccupait pas de ça. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimé lui donner un poste de responsabilité parce qu'il sait qu'il ne sera pas capable de le faire comme il faut. Parce que c'est pas des choses qui l'intéressent. Et donc ça c'est la preuve ici que c'est pas suffisant pour que quelqu'un parmi les musulmans ait un poste de responsabilité. C'est pas suffisant qu'il soit religieux seulement. Il doit avoir quelque chose de plus. Il faut qu'il soit fort. Il faut qu'il ait une force de personnalité, de de caractère, hein, pour être capable de remplir cette tâche et cette responsabilité-là de façon correcte. Le Cheikh il dit, « Wa qawluhum fil hadith al-qudatu thalathatun, wahidatun, wahidun fil jannah, واثنان في النار وهذا يدل على خطورة القضاء وأنه يتحرز منه وأما الذي في الجنة عرف فهو الذي عرف الحق وقضى به. Donc le cheikh il dit dans le hadith des trois juges, le professeur a dit que il y en a un qui sera au paradis et les deux autres en enfer. Et ça indique le danger de prendre un poste de juge. Hein? Les salafs, ils avaient peur de ça, d'être nommés juges. Hein? Ils avaient peur de ça. Parce qu'ils savent que la responsabilité, t'imagines? Hein? T'es devant les gens te présentent leur cas, et toi, tu dois juger entre eux. Imagine que toi, tu dois être à cette place-là. De juger entre les gens, dans leurs problèmes, dans leurs conflits, dans leurs disputes, hein, dans leur argent, dans leurs biens, dans leur honneur. Ils viennent vers toi pour demander un jugement. Tu dois juger par ta connaissance du Coran et de la Sunna pour établir la vérité et juger selon ce qui est juste. C'est une grande responsabilité. Si tu manques à cette responsabilité-là en faisant de l'injustice et que tu ne juges pas correctement, ou que tu juges de manière injuste, tout ça c'est des comptes que tu dois rendre au jour de la résurrection. Hein? Tu ne remets pas les droits à celui à qui les droits reviennent, tu donnes à celui qui est coupable, hein? Et tu punis celui qui est innocent, et tu laisses aller le coupable. Non, ça c'est dangereux. Et donc le cheikh il dit, la personne elle doit s'enlever de cette responsabilité là, elle doit s'éloigner de ce genre de position là, elle doit faire attention à ça. Donc celui qui est au paradis, on a dit, c'est celui qui connaît la vérité et qui juge selon la vérité. Il dit, وَأَمَّا الَّذِي عَرَفَ الْحَقَّ وَقَضَى بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَالَّذِي قَضَى بِالْجَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ أَيْضًا. Donc celui qui connaît la vérité mais qui juge contrairement à la connaissance qu'il a, alors il est dans l'enfer. Et celui qui juge par ignorance, il est dans l'enfer aussi. لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ حَتَّى وَإِنْ أَصَابَ فَهُوَ آثِمٌ فَيَشْتَرِطُ فِي الْقَاضِي الْعَدْلِ الْعِلْمُ وَالْعَدْلِ. Donc le cheikh il dit qu'il n'est pas permis de juger sans science. Tu n'as pas le droit de juger sans science. C'est comme si on te met devant deux personnes, puis on te demande de juger entre eux, mais tu n'as pas de science du Coran et de la Sunna. C'est pas juste la connaissance d'avoir du savoir de la question. Hein? Tu dis, mais je connais bien l'histoire, je connais leurs problèmes. Hein? C'est pas parce que tu connais bien l'histoire et que tu connais bien leurs problèmes que tu peux juger entre eux, parce que ça prend du savoir du Coran et de la Sunna aussi. Hein? Et ça c'est fondamental, parce que tu dois juger selon la religion d'Allah, pas selon n'importe quoi. Et ça c'est fondamental. Donc le cheikh il dit, hatta wa in asaba fa huwa athim. C'est-à-dire, celui qui juge par ignorance, même si son jugement est tombé sur la vérité par hasard, Il est dans le péché quand même. Pourquoi? Parce qu'il a jugé par ignorance. Et le cheikh il dit, il faut donc que le juge ait du savoir et qu'il soit juste. De la science et de la justice. Il doit avoir les deux ensemble. Et le cheikh il dit, il y a dans ça un avertissement de juger par ignorance ou de juger contrairement à la vérité alors que tu connais la vérité. Si le juge juge hein, par erreur, c'est-à-dire il connaît la vérité mais il se trompe, dans ce cas-là il va pas être en enfer parce qu'il a pas fait exprès pour jugé par autre que la vérité, il s'est trompé, dans ce cas-là, il est excusé. Mais c'est celui qui volontairement connaît la vérité, puis il juge contrairement à la vérité, ou par, il juge par ignorance. Alors là, il est dans l'enfer. Et l'autre hadith, qui est le dernier hadith dans ce chapitre, il dit le cheikh, قوله صلى الله عليه وسلم من أفتيا فتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه. الإفتاء هو بيان الحكم الشرعي من غير إلزام به، والقضاء بيان الحكم مع الإلزام به. Donc, c'est quoi la différence entre le mufti et le qadi? Le mufti, c'est celui qui te donne le verdict religieux sans l'imposer. Le juge, c'est celui qui te donne le verdict religieux et qui a le pouvoir de l'imposer et de l'exécuter, ce verdict. C'est ça la différence entre les deux. C'est pour ça que quand il y a des problèmes de mariage ou de divorce ou d'autres choses, des problèmes économiques, hein, il faut aller voir un juge pour régler ses problèmes, parce que lui, il a un pouvoir exécutif. Il peut imposer un verdict et obliger qu'il soit rendu. Si quelqu'un, par exemple, il a de l'argent, il a des dettes, il refuse de les payer, le juge peut dire on l'enferme jusqu'à ce qu'il paye sa dette. Il va être mis en prison jusqu'à ce qu'il va payer sa dette. Parce qu'il a de l'argent, mais il ne veut pas payer. Hein? Dans ce cas-là, oui. Même s'il veut, même il peut même bloquer tous ses biens. Et s'il refuse de payer, il peut même les vendre pour rembourser les gens à qui il doit de l'argent dans l'islam. Donc le cheikh, il explique que le qada, c'est pas pareil que l'ifta. Et ça, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Donc ça, c'est très important déjà de comprendre ça. Et il dit وَالنَّاسُ بِحَاجَةٍ إِلَى الْقَضَاءِ أو إِلَى الْقُضَاةِ وَالْمُفْتِينَ وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهِ وَلَا يُفْتِي النَّاسَ بِجَهْلٍ أَوْ بِهَوَى فَإِنَّهُ يَتَحَمَّلْ إِثْمَ مَنْ أَفْتَاهُ. Donc il dit que la personne qui donne des fatwas, c'est-à-dire qu'ils donnent des verdicts religieux, les koufars, ils n'ont pas du tout compris qu'est-ce que c'est al-fatwa. Hein? Quand ils disent « Ah, un tel, il a reçu une fatwa », ils pensent que ça veut dire une menace de mort ou quelque chose comme ça. Une fatwa, non. Une fatwa, c'est un verdict religieux. Ça veut dire que la personne qui veut savoir quoi ou comment faire quelque chose dans la religion, il va aller voir un savant et il va lui poser une question au sujet de la religion. Et le savant, il va lui expliquer, il va lui répondre. Il va lui donner un verdict religieux selon le Coran et la Sunna. Ça, c'est une fatwa. Si par exemple, quelqu'un, il vient, il me demande, je vais prier Salatul Asr, combien je dois faire de raka? Je lui dis, Salatul Asr, tu dois faire 4 rak'at. Ça, c'est un verdict religieux. S'il me dit, par exemple, aujourd'hui, par exemple, c'est un jour de jeûne. C'est Ramadan. Et moi, je suis malade. Je fais de la fièvre. Je suis au lit. Si je mange, si je prends un médicament, est-ce que je fais un péché? Dans la journée de si je mange, tu dis non, dans ce cas-là, si tu es malade, tu es excusé. Ça, c'est un verdict religieux. C'est pas une menace de mort où tu mets un prix sur la tête de quelqu'un pour dire lui, il doit être tué ou des choses comme ça. Ça, c'est pas une fatwa, ça. Les gens, ils mélangent n'importe, ils disent n'importe quoi. Même Allahu Akbar. Allahu Akbar, ça veut dire Allah est le plus grand. On le dit à chaque fois qu'on fait la salat. on fait un mouvement dans la prière, on dit Allahu Akbar à chaque fois. Parce que Allah est le plus grand que tout. Donc on dit ça. Eux, ils disent Allahu Akbar, c'est un cri de guerre. À cause des Khawarij, quand ils vont se faire exploser, qu'ils crient Allahu Akbar, alors ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est ça qui arrive quand l'ignorance est propagée. Et les gens ne connaissent rien, alors ils mélangent tout après. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh, il dit, le mufti, il est obligatoire pour lui, quand il donne une fatwa, c'est-à-dire un verdict religieux, il faut qu'il donne avec science. Il n'a pas le droit de parler avec ignorance ou de donner un verdict selon ses passions. Parce que s'il parle avec ignorance ou bien il parle selon ses passions, eh bien dans ce cas-là, il aura le péché de celui qui lui a posé la question. S'il l'a induit en erreur. Quelqu'un vient te poser une question sur la religion, toi tu lui réponds selon tes passions et tes désirs ou par ignorance, lui il va aller agir par la suite, il va faire quelque chose incorrectement. À cause de toi, tu vas prendre son péché. Le cheikh il dit فإنه يتحمل إثم من أفتاه أما المستفتي فإنه إذا لم يكن يعلم أن المفتي أفتاه بغير علم فلا شيء عليه وإثمه على المفتي. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? La personne qui vient poser la question, si elle ne savait pas que la personne lui a donné une réponse sans science et qu'il a agi selon ce qu'il a entendu de ce mufti, alors dans ce cas-là, la personne qui a posé la question, elle n'aura pas de péché, elle. Son péché va être sur le dos de celui qui lui a répondu incorrectement ou selon ses passions. Pourquoi? Parce qu'il a parlé sans science et la personne qui a posé la question, elle ne savait pas que cette personne parlait sans science. Mais par contre, le cheikh dit « Walakin in kana ya'lam annahu laysa bi'alim ou annahu yufti bighayri al-haq fahuwa shariqun lahu fil ithm. » Tandis que si la personne qui est venue poser la question, elle savait que la personne à qui elle a posé n'était pas un savant ou qu'elle fait des fatwas autres que par la vérité, alors elle sera complice dans son péché. Donc si toi tu vois des gens par exemple, ils vont poser des questions sur la religion à n'importe qui, ils vont poser à un tel ou à un tel, la personne en question c'est pas un savant, elle n'a pas d'ilm, elle n'a pas étudié la religion, puis tu lui poses des questions sur la religion. Aujourd'hui les gens ils posent des questions à n'importe qui, ils posent des questions sur internet, ils vont dans un forum où tout le monde parle et tout le monde dit son opinion, ou ils vont sur Facebook, ou ils vont sur Twitter, ou bien quelque part ils disent à quelqu'un c'est quoi le verdict religieux sur tel ou tel ou tel sujet, alors que les personnes à qui ils s'adressent sont pas des personnes qui sont aptes à lui répondre. Donc pourquoi tu poses des questions à des gens qui n'ont pas de science? Pose des questions aux ulama. Allah subhanahu wa ta'ala il dit fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. Il dit demandez aux gens du savoir, aux gens qui ont de la science, si vous ne savez pas. Pas demande aux ignorants. Donc le cheikh il dit wa fil hadith yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ajra'ukum 'ala al-fatwa ajra'ukum 'ala an-nar. Akhrajahu ad-Darimi fi sunanihi min mursal 'Ubayd Allah ibn Abi Ja'far. Donc c'est un hadith mursal, mais yani le sens, c'est un hadith qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ici il dit dans la note de bas de page qu'il est mursal. En tout cas ça dit quoi? Ça dit celui qui ose le plus faire des fatwas, c'est celui qui, disons qu'il aura plus yani de raison d'être jeté en enfer, d'une certaine façon. Donc celui qui a plus d'affront à faire des fatwas, c'est lui qui aura plus d'affront à être en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran le verset 116. Alaykoum salam. Le verset 116 dans sourate An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Donc le Cheikh, il mentionne ce verset, le verset 116 dans Sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, hein, et ne dites pas de ce que vos langues inventent comme mensonge. Ceci est halal et ceci est haram pour inventer un mensonge contre Allah. Ceux qui inventent un mensonge contre Allah, ils n'auront pas le succès. Et le Cheikh, il dit: وَلَقَدْ كَانَ الصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَتَدَافَعُونَ الْفَتْوَى وهم علماء لأنهم يعلمون خطرها بخلاف ما هو حاصل في زماننا هذا من كثير من المتعالمين فتراهم يتهافتون على الفتوى بما فيهم الذي ليس عنده علم فلا يتورع عن أن يفتي وكل يفتي برأي مخالف للآخر حتى في المسألة الواحدة حتى وصل الأمر أن الذي عنده علم يفتي بخلاف ما يعلم يريد بذلك إرضاء الناس والحظوة عندهم وليقال إنه ليس متشددا وأنه سهل ومرن ومنفتح ومتسامح مما يسمونه بالفقه الميسر والفقه الواقع. Donc le cheikh il explique que il y avait des sahaba à l'époque, ils se repoussaient la fatwa les uns aux autres. Ça veut dire quoi? Quand on venait leur poser une question, ils disaient: allez voir un tel. Hein? Et quand il allait voir l'autre, il disait: va voir l'autre. Hein? Ils vont voir un sahabi. L'autre, le sahabi dit: va voir un autre. Va lui poser à lui. L'autre, il va le voir, il dit: va le poser à l'autre. Hein? Parce que ils ont peur de répondre. Ils renvoient la fatwa à d'autres. Parce qu'ils savent le danger de parler sans cesse. Alors que ce sont des savants. Hein? Ah, le cheikh il dit, c'est le contraire de ce qui se passe à notre époque. De la part des muta'alimin, al-muta'alimun, ça veut dire les gens qui prétendent à la science, alors qu'ils n'ont pas de science. Et donc tu les vois, ils se mettent de l'avant et ils courent vers les fatwas. Hein? Et donc, le pire, ils n'ont pas de science et ils n'ont pas peur de faire des fatwas. Hein? Chacun, il donne sa fatwa selon son propre opinion. Hein, et chacun il contredit l'autre dans la même question, le même sujet. Allah al-musta'an. حتى وصل الأمر الذي عنده علم يفتي بخلاف. Subhanallah. Il dit l'affaire est arrivée tellement. Je me rappelle une fois on était dans la classe, quand on était élève à Médine, et le professeur il nous posait une question comme ça pour nous tester, pour tester les élèves. Il dit: qu'est-ce que vous dites sur telle question ou tel sujet? Hein? Alors un élève répondait, il disait: ah, voici une position maintenant ici. Et un autre qui répondait, il disait une autre opinion. Il disait: ah, on a une deuxième position. Hein? On a deux positions sur ce sujet. Là, il y a un troisième qui répondait: ah, ça y est, trois qawls. Trois paroles sur le même sujet. Et il y en a un autre qui répondait: ah, on a un quatrième encore. Il y en a quatre positions, déjà quatre positions sur le même sujet. Hein? C'est pour dire que des fois, quand on parle sans science, c'est ça le résultat. On invente des positions qui n'existent pas. Ou des divergences qui n'existent pas. Et le cheikh, il dit, c'est rendu à tel point que même la personne qui a du savoir, elle veut faire plaisir aux gens. Et elle veut que les gens disent: lui, il est pas dur. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à faire des fatwas pour faire plaisir aux gens. Oui, tu peux le faire, c'est correct, vas-y. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les gens disent « Ah, lui, il est dur. » Alors, ils vont faire des fatwas contraires à la vérité pour faire plaisir aux gens. A'udhu billah. Ça, c'est de faire les fatwas avec les sentiments. Hein? La personne, elle te fait pitié, t'as pitié d'elle. Ah, le miskin, yani, faut que je lui donne une fatwa qui va être facile pour lui, pour que la personne... En plus, peut-être aussi, ces gens-là, des fois, comme ils veulent la popularité, ils veulent se faire aimer des gens. Et ça, c'est ça que tu vois chez les ikhwan. Ils font des fatwas pour que les gens les aiment. Et ils savent qu'est-ce que les jeunes veulent. Ils veulent suivre leur passion, ils veulent suivre leur désir. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent aux jeunes qu'est-ce que les jeunes veulent entendre. Les jeunes, ils veulent entendre la musique. Toi, tu leur dis, oui, la musique, c'est halal. Les jeunes, ils veulent raser la barbe, ils ne veulent pas laisser la barbe. Oui, tu peux raser ta barbe, c'est pas grave. Hein? Ils veulent aller se mélanger avec des femmes. Oh non, l'irtilat, la mixité, c'est pas interdit. Tu peux y aller, vas-y. C'est-à-dire, tout ce qui est haram, ils le rendent halal. Pourquoi? Pour faire plaisir aux gens. Et le but, c'est quoi? De se faire aimer puis devenir populaire. Ou bien, pire encore, il fait ça pour se faire aimer des non-musulmans dans les pays de kufr. Alors là, les kufars vont être contents. Ils disent aux femmes, mais non, t'es pas obligé de mettre le hijab. Tu peux sortir comme ça, avec une robe. Tu te couvres pas comme il faut. Tu laisses juste une robe longue et puis c'est tout. Pas besoin de mettre un djilbab, couvrir tout ton corps, cacher ton visage. Mais non, ça c'est de l'extrémisme. A'udhu billah. Donc c'est devenu comme ça maintenant. C'est devenu comme ça pour que les gens disent « Ah, il est très tolérant, il est très modéré, il est très juste. » A'udhu billah. Ça c'est de l'extrémisme en réalité. C'est pas de la modération ça. C'est de l'égarement total. De faire des fatwas contraires à la vérité pour plaire aux gens. Que ce soit pour plaire aux pécheurs, ou pour plaire aux gens de passion, ou pour plaire aux koufars. Dans tous les cas, c'est grave. C'est en même temps un mensonge contre Allah et contre son messager. Tu mens contre Allah. Tu déformes la vérité qui vient d'Allah. Tu dis aux gens quelque chose qui est le contraire de ce que Allah a révélé. Le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Après, tu prétends que ça c'est pour la facilité. A'udhu billah. Donc même si toi-même t'as pas le courage de le faire, toi-même t'as pas la force de le faire dans ta foi, dans ta religion ou dans ta famille, mais au moins mens pas sur Allah. Est-ce que tu vas prendre le poids de ce mensonge-là au jour de la résurrection? Hein? Peut-être que tu dis, bon, moi j'ai pas la force de pousser la barbe, je suis faible dans ma foi. Mais est-ce que tu vas mentir aux gens pour dire, oui, t'as le droit de raser la barbe? Hein? Sois honnête, sois juste. Hein? Sois, aie un peu de courage au moins. Va pas déformer la vérité. Si tu le fais, le péché, hein? Eh bien demande pardon à Allah. Tu dis la vérité, tu dis, j'admets que moi je suis dans le tort. Qu'est-ce que je fais, c'est pas correct. Je demande à Allah de me pardonner. Je demande à Allah de me guider. Mais la vérité, c'est que la barbe, c'est obligatoire. Même si je la laisse pas pousser. Parce que tu es honnête. Tu parles pas pour toi, pour ta fierté, ou ton honneur, ou bien des choses. Tu parles pour la vérité, pour la religion d'Allah. Pour que les gens aient l'information exacte à propos de la religion d'Allah. Qu'est-ce que Allah a dit? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Donc c'est ça la question. Et donc des fois quand les koufars ils te posent une question sur l'islam, est-ce que ça c'est comme ça dans l'islam? Tu leur dis, mais pourquoi vous posez la question? Est-ce que vous voulez savoir la vérité? Ou bien vous voulez juste entendre ce que vous voulez entendre qui fait plaisir à votre système ou à votre mentalité ou à votre idéologie ou je sais pas quoi? Hein? Non. Si tu demandes à propos de la religion d'Allah, je te réponds ce que Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit. C'est tout. Moi je suis dans ça, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, in alayka illa al-balar. Allah il dit dans le Coran, in alayka illa al-balar. La seule chose que tu fais, tu transmets le message d'Allah. Tu t'ingères pas dedans, tu déformes pas le message. Allah il a pas dit transmettez aux gens mon message de façon déformée. Hein? dites-leur qu'est-ce que vous voulez dire selon qu'est-ce que eux veulent entendre, déformer mon message pour eux. Non. Allah il dit, transmettez mon message. Transmettez mon message tel qu'il est. Il n'a pas dit déformez-le, transmettez-le à votre façon. Il n'a pas dit ça. Après, le cheikh il termine ce chapitre en disant فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهِ أَنْ يَتَّقِ اللَّهِ وَلَا يَدْخُلْ فِي الْفَتْوَى إِلَّا أَنْ يَحْتِيجَ إِلَيْهِ وَكَانَ عِنْدَهُ عِلْمٍ وَإِلَّا فَلْيَبْتَعِدْ عَنْهَا وَالْأَصْلُ أَنْ تُضْبَطْ أمور الفتوى ولا سيما في الصحف والمجلات والإذاعات والفضائيات وهذه الفتوى الغير المنضبطة جعلت الناس في حيرة واضطراب فلقد كثر المفتون وأصبحت الفتوى سهلة فمن المفتين من لو سألته سؤالا لأجابك على الفور في حين لو عرض هذا السؤال أبا بكر وعمر لجمعوا له أهل بدر فليتق الله من يتعرض لذلك فإنما المفتي يقول عن الله ورسوله فانظر فيما أفتيت وكيف أنك تحمل وزر فتواك وإن أفتيت بغير علم ومعرفة وفقه أو أفتيت بما يخالف الحق إرضاء للناس فمن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. Donc le cheikh il dit l'obligation pour le musulman c'est de craindre Allah et de ne pas rentrer dans la fatwa excepté s'il y a un besoin et qu'il a de la science, sinon il doit s'en écarter. Et la base pour le musulman, hein, ou bien la base dans la fatwa, c'est qu'elles doivent être faites avec de l'ordre. Il faut qu'il y ait des règles. En particulier, lorsque c'est des questions dans les fatwas qui apparaissent dans les journaux, dans les magazines, ou dans les stations de radio, ou bien dans les chaînes satellites, à la télé. Il ne faut pas que ce soit des fatwas que les gens se permettent de faire des fatwas, puis qu'il n'y a pas un contrôle, qu'il n'y a pas des règles. Hein? Parce que les gens sont devenus confus maintenant. Les gens commencent à être mélangés, commencent à être confus. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens qui font des fatwas. Et l'affaire est devenue trop facile pour les gens. N'importe qui se permet de faire des fatwas, n'importe qui, n'importe quand. Et donc, le cheikh dit, il y a des fois un mufti, ou certains muftis, quand tu leur poses une question, ils te répondent direct, automatique. Et il y en a des gens, Allah al-Musta'an, ils ne se gênent pas de répondre sur tous les sujets, n'importe quel. Même des sujets qui sont réservés aux savants les plus grands, les plus âgés, ou les plus enracinés dans la science. Eux, ils ne se gênent pas de parler dans ça. Et le cheikh, il dit, même il y a des questions qui sont posées aujourd'hui, si on les avait posées à Abu Bakr et Omar, ils auraient réuni tous ceux, les compagnons qui étaient à Badr, ils les auraient réunis pour leur poser la question, pour les consulter sur ce sujet-là. Comme il dit, le cheikh, il dit, لو عرض هذا السؤال لأبا بكر وأبي بكر وعمر لجمعوا له أهل بدر. Ils auraient réuni les gens de Badr pour consulter au sujet de cette question. Aujourd'hui, non. La personne est tout seule, elle répond. Et automatique. Donc craignez Allah. Craignez Allah. Donc celui qui se met dans ce genre de pétrin, il doit craindre Allah, il doit faire attention. Parce que celui qui fait une fatwa, en réalité, c'est comme s'il parlait au nom d'Allah et au nom de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme s'il signait pour eux. Alors regarde, à propos des choses que tu donnes comme fatwa, et que tu vas porter le poids de ce que tu as donné comme verdict religieux, sans science, sans connaissance, sans compréhension, ou bien de faire des fatwas pour répondre aux gens de façon qui est contraire à la vérité pour faire plaisir aux gens. Pour faire plaisir aux gens, que ce soit pour faire plaisir aux musulmans qui sont dans le péché ou qui sont dans la désobéissance, ou bien pour faire plaisir aux kuffars, hein, et aux musulmans qui vivent dans les pays de kuffre et qui veulent se sentir confortés dans leur péché, dans leur désobéissance, dans leur insouciance, hein. Donc il dit, quand ils trouvent un cheikh, hein, ils trouvent un cheikh qui leur répond dans le sens de leur désir et de leur passion, ils disent, oh, il est bon ce cheikh. Ah, ce cheikh, il est modéré, il est intelligent, hein. Il comprend les problèmes des musulmans en Occident. Il nous répond selon la sagesse. Donc eux, ils cherchent ça. Déjà à la base, ils viennent avec cette mentalité qu'ils veulent que les gens les aiment. Ils veulent être populaires. Donc ils vont dire aux gens qu'est-ce qu'ils veulent. Le vrai alim, le vrai savant, celui qui craint Allah, il regarde pas est-ce que les gens vont l'aimer ou vont pas l'aimer. Est-ce que les gens vont trouver dur ou pas dur. C'est pas ça la question. Et ils regardent est-ce que c'est la vérité ou non. Est-ce que c'est ce que Allah et son messager ont dit ou non. Est-ce que ça respecte les règles et les principes et les conditions et les fondements de la charia ou non? Hein? Et là, il donne le verdict du Coran et de la Sunna avec la sagesse, avec la science, pas avec l'ignorance. Et le cheikh, il termine en disant, celui qui cherche l'agrément des gens dans ce qui amène la colère d'Allah, Allah va être en colère contre lui. Et il va mettre les hommes en colère contre lui également. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera demain, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafaddal.